Percer, ça veut dire quoi? Vendre des CD? Vendre ton boule? Dis-toi que ta mère, elle a déjà percé en lavant le sol. Dis-toi que ton père, elle a déjà percé en passant la frontière. Fixe et PKR, renseigne-toi sur ces types-là. De toute façon, on sait tous que quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais finit toujours par arriver. Brah! Evril et Ulysse, Niskan, Valoris, on vous pisse à l'arrêt comme des scatophiles, bande de putain. Fixé PKR, gros dash, ALKPOTE, mzam, mzam, sucé. C'est le cocktail, LOS, U2F, on donne sa mortelle, rap de test pour de vrai. Tu veux nous clasher, tu veux nous clasher. Mais t'es fou ou quoi? You vois Ouga cool, t'as qu'à marcher. Ouah. Tu nous vois tous partout, même chez toi. Avoue, ça donne envie de t'arracher le foie. Chien, je voulais dire que oui, on a percé. Merci bien aux gens qui ont apprécié. Même si on pète un sbire après la salade, on rêve d'être digne, être un machallah. Pour l'instant, en bas des tours, on en est où? Alors au rendez-vous, on les sent pas, on les rend les coups. Vas-y, fais péter ton bête, ton flash. Et laisse-moi pénétrer ton être, ton âme. Je vais percer les combaisses, rompas, je vais te la fermer en t'enfonçant mon sexe, mon arme. Je suis encore à l'époque de Queensbridge. Je pisse sur les procs de Swiss Beach, tisse dans les bols le whisky. Percer dans le rap très jouissif. Je vais déboucher vos tuyaux comme Mario Bros et Luigi. Pour percer, faut être méthodique. Je nique la mélodie, je laisse que des mégots de spliff. Alors, je suis comme un nécrophile. Depuis l'époque de Mario Land et Metro Hit, percer, c'est possible. Les rappeurs chattent, mais j'ai fait le tour, y'a rien de farouche. L'osé des trocs par yo-yo, même au feu rouge. À l'époque, mon hip-hop n'était qu'une passion essence. Maintenant, on prend photo, station essence. Dis-leur, dis-leur, dis-leur bien qu'on a percé. Dis-leur que notre ville est à